sens. C'est pas ni beauté, c'est pas ni colère, c'est pas ni connaissance qui fait nous connaître dans la vie. L'argent qui fait quitter moi, ensemble, nous toutes les fois, qu'on y est là, nous séparer. L'argent qui fait trahir moi, l'argent qui fait quitter moi, ensemble, nous toutes les fois, qu'on y est là, nous séparer. Côté la Jean Patini, maman, côté la Jean Patini.